Bonjour. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange, et à la semaine prochaine. Nous sommes donc le 14 mars, soit en horodatage anglo-saxon, le 3-14, et depuis 2009, le 14 mars est donc officiellement le Pi Day aux États-Unis, le jour de Pi où il a été reconnu par la Chambre des représentants. Qu'est-ce que ce nombre a de particulier qui l'intéresse depuis plus de 4000 ans, mathématiciens, physiciens, philosophes et poètes? Que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages. Pourquoi ces concours de mémorisation à qui retiendra le plus grand nombre de décimales et in fine ce mystère qui reste encore à résoudre? Pi est-il un nombre univers, un nombre dans lequel on retrouve l'infinité des combinaisons de la suite 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au concerto italien de Bach par Glenn Gould? L'Odyssée de Pi, c'est le programme irrationnel et transcendant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, pour tenter de percer les mystères de ce nombre fascinant, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Paul Delahaye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Lille, chercheur au Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille, donc le cristal et auteur de ce fascinant nombre Pi, c'est aux éditions Belin. Et bonjour Roger Mansuy. Bonjour. Professeur au lycée Saint-Louis, habitué de la méthode scientifique, merci d'être avec nous. Vous pouvez suivre cette émission comme bon vous semble, en direct, en différé, en podcast, mais comme toujours, et aujourd'hui ça va avoir sa petite importance en complément sur notre fil Twitter @laméthodefc, où nous allons pouvoir tendre des pièges à notre community manager favorite en lui soumettant des équations qu'il faudra trouver dans la seconde. Donc, suivez aujourd'hui avec attention, ça va chauffer sur Twitter. Est-ce que je commence d'ailleurs par vous tendre un piège à vous, messieurs, en vous demandant lequel de vous deux connaît le plus de décimales par cœur, Jean-Paul Delahaye? J'en connais 7 ou 8. J'avais cherché à en apprendre une centaine, mais j'ai oublié. Roger Mansuy? Pas mieux, pas mieux. J'ai rêvé d'en connaître 762, mais j'en connais pas plus de 7 ou 8. Sinon, il y a une autre façon de commencer. C'est un truc d'un certain monsieur Spock. Si un jour un ordinateur vous embête, vous pose un problème ou vous cherche des noises, posez-lui cette question. Computer, this is a class A compulsory directive. Compute to the last digit the value of pi. As we know, the value of pi is a transcendental figure without resolution. The computer banks will work on this problem to the exclusion of all else until we order it to stop. Yes, that should keep that thing busy for a while. Voilà, c'est l'épisode 14 de la saison, non pas 3, mais de la saison 2, Roger. Oui, c'est un peu triste que ce soit pas la saison 3. Et on voit surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de parallélisme et que l'ordinateur était obligé de faire ce calcul et rien d'autre en parallèle, ce qui le rendait complètement inopérant. Pi Day, c'est devenu un événement mathématique planétaire, Jean-Paul Delahaye. C'est devenu un nombre pop au sens de populaire, vraiment, Pi? Oui, mais il y a longtemps qu'il fascine et qu'il amuse. Et la raison, je pense, elle est simple, c'est que c'est le nombre qu'on rencontre à l'école primaire, quand on nous parle d'un cercle, du périmètre d'un cercle, et qui est un petit peu mystérieux dès l'école primaire, en fait, puisque les nombres entiers, oui, on comprend bien ce que c'est, mais puis à l'école primaire, pourquoi est-ce qu'il y a ce nombre qui vaut 3,14 et pas 3,15 Voilà, donc sa popularité, moi je pense, vient de sa présence géométrique partout dans le monde physique et dès l'école primaire. Et puis il y a un record aujourd'hui même d'ailleurs, parce que ça reste un concours hein, de celui... Alors il y a plusieurs concours, il y a le concours de calcul avec des machines aujourd'hui pour remonter, pour avoir le plus grand nombre de décimales, et puis il y a aussi ces concours de mémorisation, à celui qui pourra retenir le plus grand nombre de décimales de mémoire, qui sont déclinés sur des heures et des heures, 14 jusqu'à 24 heures, Roger Mansuy. Alors là, c'est pas un record de mémorisation aujourd'hui, c'est un record de calcul qui est tombé. Il a été annoncé sur le blog de Google en fin de matinée, début d'après-midi. C'est une de leurs employées, une chercheuse qui s'appelle Emma Haruka Iwao, qui a réussi à faire calculer 31 400 milliards de décimales de pi. Alors ça impliquait un certain nombre de matériel et le nuage Google a bien été utilisé et optimisé pour pouvoir faire ce calcul. Et le record de mémorisation, il est détenu par un Indien, Suresh Kumar Sharma, en 2015, qui a retenu de mémoire 70 000 30 décimales qu'il a pu réciter en 17h14. Oui, mais il y a un Indien qui en connaît 100 000. Alors, il n'a pas réussi à faire valider son record, mais il n'y a pas de doute qu'il en connaît 100 000 et un peu plus que 100 000. Parce que pour valider ses records, c'est très, très... Voilà, il faut les réciter sans se tromper. Et d'ailleurs, ça prend du temps, puisqu'il faut effectivement une quinzaine d'heures pour arriver à 100 000. Et si on se trompe une fois, ça compte pas. Hein. Et puis, il faut plusieurs juges. Il en faut deux. Dès qu'on dépasse les 10 000 décimales, il en faut un troisième. Enfin, c'est vraiment tout un rituel. Hein. Voilà. Là, c'est plus le Guinness qui met ses règles que les mathématiques ou les gens intéressés. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc du nombre pi tout au long de cette heure en ce jeudi consacré, comme tous les jeudis, à l'histoire des sciences. Nous en parlons avec Jean-Paul Delahaye et Roger Mansuy. Alors, une question simple pour commencer, Jean-Paul Delahaye, c'est quoi pi? Ah ben, c'est une question qui est pas simple que ça, parce qu'on est tenté de penser que pi c'est une constante physique, le rapport du périmètre sur le diamètre d'un cercle, mais en fait non, parce que si on le définit comme ça, il va falloir prendre en compte la vraie physique de notre monde, et cette vraie physique elle est relativiste, et donc le rapport d'un périmètre sur un diamètre, il va pas toujours être égal à 3, 14, 159, etc. Il va varier en fonction des masses qui sont présentes. Donc, il faut pas considérer pi comme un nombre physique, il faut considérer comme un nombre mathématique. Et sa définition, elle doit faire intervenir d'une façon ou d'une autre, soit l'espace euclidien, soit d'autres notions, mais il faut que sa définition soit donnée mathématiquement. D'ailleurs, si elle n'était pas donnée mathématiquement, on pourrait pas parler des milliards de décimales de pi, parce que physiquement, il pourrait en exister 20, peut-être 30, mais pas plus. Je m'en suis. Pi, en mathématiques, en plus, il est un nombre un peu magique parce qu'on le présente périmètre sur diamètre pour un cercle, mais déjà, il y a un résultat au départ, c'est que pour tous les cercles, quel que soit le rayon, quel que soit le centre, cette valeur va être constante. Donc le pi, c'est une constante du périmètre, mais c'est aussi une constante de l'air. C'est-à-dire le fameux résultat, l'air est égal à pi r carré. De la surface, dire, oui. Oui, la surface, pardon. C'est la surface divisée par r carré est une constante. Donc il y a deux fois un phénomène constant, deux constantes qui apparaissent. Et puis le miracle, c'est que c'est la même en fait pour l'air et pour le périmètre. Et ce qui est intéressant, et c'est l'une des choses qui rend ce nombre un peu fascinant et magique, c'est que vous parlez, Jean-Paul Delahaye, d'ubiquité pour pi. Pi est partout en fait, on en trouve partout tout le temps. C'est-à-dire qu'on retombe sur pi tout le temps. Exactement. Quand on considère de simples questions purement arithmétiques, par exemple, quelle est la proportion de nombres, de couples de nombres qui sont premiers entre eux, c'est-à-dire qui n'ont pas de diviseur commun, la réponse dépend de pi. Quand on prend une série qui ne fait intervenir que, par exemple, l'inverse des carrés des nombres entiers, 1 plus 1 quart plus 1 neuvième, etc., on tombe sur quelque chose qui dépend de pi. Et il y a toutes sortes de résultats en probabilité, en arithmétique, dans tous les domaines qui font intervenir pi. Et c'est un petit peu étonnant. C'est même très étonnant. Il y a un jeu en fait qui consiste à essayer de comprendre d'où vient le pi à chaque fois et à essayer de le réinterpréter par rapport au cercle initial. Donc, sur certaines probabilités, typiquement des lois normales, on voit des invariances par rotation. On peut comprendre un petit peu que ce pi apparaît. Quand on fait de l'arithmétique, c'est beaucoup plus compliqué et les gens essayent de l'interpréter a posteriori en faisant intervenir la théorie de Fourier, des signaux qui sont périodiques, donc de la trigonométrie. Et on se rend compte, c'est naturel quand on a compris ces outils-là qu'ils apparaissent. Mais tant qu'on n'a pas ces outils élaborés, c'est un peu magique de voir pi apparaître. On dit de pi que c'est un nombre irrationnel et transcendantal. Est-ce que vous pouvez nous définir ces deux notions, Jean-Paul Delahaye? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un nombre irrationnel? Oui. Qu'est-ce qu'un nombre transcendantal? Est-ce qu'il existe d'autres nombres qui sont les deux à la fois? Si, on peut définir très simplement. Un nombre rationnel, c'est le quotient de deux entiers. Alors déjà, les nombres irrationnels, donc qui ne sont pas quotients de deux entiers les plus simples, c'est racine de 2, racine de 3. Mais pi, il est pire que ça. Parce que il n'est solution d'aucune équation polynomiale à coefficient entier. Et les solutions d'équations polynomiales à coefficient entier, on va dire, c'est des équations pas trop compliquées. Par exemple, x3 plus x2 plus 1 égale 0. Voilà, ça va être une équation polynomiale à coefficient entier. Et on démontre que pi n'est solution d'aucune équation polynomiale à coefficient entier. Donc, on dit qu'il est transcendant du fait de cette propriété. Ce qui a été très difficile à démontrer, puisqu'il a fallu attendre 1882 pour le démontrer. Démonstration qui a eu une importance très grande en mathématiques, puisque ça résolvait de manière indirecte, avec les résultats qu'on possédait à cette époque-là, la question de la quadrature du cercle. Le problème de la quadrature du cercle, c'est trouver un cercle étant donné sur un plan, trouver un carré, dessiner avec en utilisant uniquement la règle non graduée et le compas, un carré qui a la même aire, la même surface. Et pendant deux millénaires, on a cherché, on a fini par penser que c'était sans doute pas possible, mais ça n'est qu'en 1882 qu'on a fini par le démontrer grâce à ce résultat sur la transcendance de pi. Et c'est le seul nombre, Roger Mansuy, qui soit à la fois irrationnel et transcendant ? Non, pas du tout. La plupart des nombres, en fait, sont transcendants, donc irrationnels. Donc la plupart des nombres, la difficulté c'est pas de savoir que quasiment tous les nombres le sont, c'est de montrer qu'un nombre particulier a cette propriété. C'est-à-dire qu'au moment où on est en train de montrer que pi est transcendant, on sait déjà qu'il va y avoir beaucoup de nombres transcendants. Un nombre particulier qu'on a choisi, que ce soit e, que ce soit pi, que ce soit pi carré est transcendant, c'est pas tout à fait la même chose que dire tous les nombres sont transcendants sauf un nombre négligeable d'entre eux. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui donne cette particularité à pi par rapport aux autres nombres que vient de citer Roger Mansuy qui ont ces deux caractéristiques, Jean-Paul Delay? Alors, le nombre E est très populaire aussi parmi les mathématiciens, mais le nombre E, on le rencontre plus tard dans ses études. Donc, il n'a pas ce côté instantané cette ancienneté dans la mémoire de celui qui fait des mathématiques comparé au nombre pi. Maintenant, il y a un nombre qui est plus populaire que pi, c'est le nombre d'or. Le fameux nombre d'or. Voilà. Mais le nombre d'or, il est plus populaire que pi, si j'ose dire, pour une assez mauvaise raison, c'est qu'il y a beaucoup un peu de superstition ou d'excès d'attribution de valeur esthétique, par exemple, à tout ce qui fait intervenir le nombre d'or, ce qui n'est pas très bien justifié, en fait. Voilà, il y a une sorte de numérologie associée au nombre d'or qu'il n'y a pas au nombre pi. Et même s'il y a plus de livres écrits sur le nombre d'or que sur le nombre pi, je pense que le nombre pi est plus intéressant. Oui, Roger Mansuy, c'est cette ubiquité, c'est le fait qu'on retombe toujours, c'est-à-dire que même quand on fait des mathématiques très simples, qu'on retombe toujours très rapidement, immédiatement sur ce nombre qui le rend aussi particulier. Ça vient de son lien avec la géométrie au départ. C'est-à-dire, le nombre d'or aussi a une définition géométrique, enfin on peut le voir géométriquement, mais il n'est pas aussi intrinsèque de la géométrie que peut l'être la définition du cercle et tout ce qui va être mesure autour du cercle. Puis le nombre d'or n'est pas transcendant. Voilà. On va vous renvoyer d'ailleurs, on avait consacré une émission, vous voyez, la preuve c'est qu'on avait consacré une émission au nombre d'or, on consacrait une émission à pi, donc nous sommes tombés dans le panneau nous aussi. Peut-être qu'on peut remonter le fil de l'histoire, de coup, alors sans faire d'anachronisme, d'ailleurs peut-être commencer par dire que cette forme aujourd'hui de la lettre grecque pi, elle est assez récente, historiquement parlant, Jean-Paul Delay. Oui, elle est apparue. Alors la date exacte, va me le rappeler, c'est le XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, c'est Adrien von Rumen, ou Adrien Romain si on prend la version francisée, qui l'utilise. Un peu avant, on a des choses qui sont proches, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à noter pi pour le périmètre. C'est la première lettre en grec du mot périmètre, et donc on note plutôt pi sur delta pour périmètre sur diamètre pour la valeur de pi. Les différents matheux mettent un certain temps à utiliser vraiment pi pour cette constante. On voit au début du 18e encore les Bernoulli, Euler qui vont utiliser la lettre C pour circonférence. Là, cette fois-ci, on utilise l'initiale en latin. Ou alors la lettre P pour aussi périmètre. Jusque vers 1748, je crois que c'est le traité de Euler sur les infiniment petits qui est le début de la consacralisation de pi comme la lettre à utiliser pour la constante. Oui, mais je voudrais préciser que cette notation, d'une certaine façon, n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la conceptualisation qu'il y a une constante dont on peut calculer des décimales indéfiniment. Et ça, c'est dû à Archimède, qui le premier a eu conscience qu'on pouvait encadrer pi entre deux valeurs et que, moyennant des méthodes de calcul mathématiques et pas physiques, on pouvait resserrer ces deux valeurs servant d'encadrement à pi le plus possible. Et il a proposé une méthode pour le faire. Et c'est lui qui a, d'une certaine façon, découvert pi. On attribue à Archimède la paternité de pi. Néanmoins, on trouve des traces de cette constante géométriques bien avant. On en trouve dans d'autres types de civilisations. On peut voir qu'il y a plein de moments où on se rend compte qu'il y a une constante et un rapport entre le diamètre et le... Oui, par exemple, les Égyptiens utilisaient un algorithme pour calculer l'aire d'un disque. Alors, il ne mentionnait pas une constante. En fait, il décrivait un procédé pour arriver à l'aire d'un disque à partir de son rayon. Donc, implicitement, dans leur algorithme, il y a la présence de pi, mais pas dans leur conscience mathématique. Roger Mansuy. Oui, la question de calculer des aires de disques ou de périmètres, elle existe déjà bien avant qu'on ait la conceptualisation mathématique du disque ou du périmètre. Donc évidemment, il y a des algorithmes, qu'on soit chez les Babyloniens, chez les Égyptiens, et donc il y a des valeurs qu'on peut en déduire, nous, a posteriori, de pi. C'est-à-dire que pi vaut 3 plus 1 huitième chez les Babyloniens, mais ils n'auraient pas dit ça, ils utilisaient la valeur 3 plus 1 huitième pour calculer... De manière indirecte, en fait. Voilà. Dans la façon dont il calculait, si on réfléchit à la façon dont il calculait, ça revient à considérer que pi égale 3 plus 1 huitième. Et le génie d'Archimède, il est double, il est triple, il est de comprendre que pi est bien une constante, la deuxième de voir que pour l'air et pour le périmètre, on a la même constante, ce qu'on disait tout à l'heure, et de le prouver, en quelque sorte. Et puis ensuite, il a cette méthode d'exhaustion qui lui permet de calculer pi, qui est quelque chose de très simple, que tout le monde peut comprendre et qui a été utilisé pendant presque 700 ans, 800 ans pour le faire. C'est, on va coincer notre cercle entre deux polygones réguliers dont on sait calculer le périmètre. Et on va en déduire que le périmètre du cercle est coincé entre ces deux périmètres. Et donc, on a des approximations par défaut et par excès de pi qui nous permettent d'avoir une valeur raisonnable de pi, le 22 septième qu'on imaginait au départ comme valeur par défaut, par exemple. C'est de la mesure du cercle d'Archimède. Oui. C'est cette conceptualisation cette conceptualisation de cette constante qui va rester, qui va en tout cas servir de maître étalon entre guillemets de cette valeur de pi pendant très longtemps, Jean-Paul. Oui, bien sûr. Et l'algorithme, enfin ou la méthode de calcul qu'introduit Archimède, va être copiée, parfois adaptée et un petit peu modifiée, mais elle restera toujours la même jusqu'au XVIIe siècle, où on va découvrir à ce moment-là de nouvelles méthodes grâce au développement de l'analyse par des séries et qui vont se révéler finalement un peu plus efficaces. Et avant cela, dans l'Antiquité, on parle de pi. En fait, ce qui est important de noter, c'est que dans toute cette première partie de cette première ère de l'histoire du nombre pi, on est vraiment dans une conception stricto sensu géométrique. Roger Mansuy. Elle est géométrique et puis comme on n'a pas défini la constante, c'est quelque chose qui est plutôt empirique pour pouvoir faire des calculs. Donc, on n'a pas encore la vision de l'objet. Qui se détache du problème de calcul pratique qui est là. Donc on dit géométrique, mais en fait c'est même pas géométrique, c'est le problème pratique au départ. Oui, tout à fait. L'idée est géométrique, mais il faut bien comprendre que c'est pas une. J'insiste sur ce point-là encore. C'est pas une question physique. Quand Archimède prend des périmètres de polygones ayant de plus en plus de côtés pour faire son encadrement, il a une vision géométrique. De géométrie euclidienne, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui la géométrie euclidienne, et qui définit une constante mathématique. Il ne propose pas de mesurer avec un double décimètre ou je ne sais quoi. Évidemment, pas de double décimètre avec une règle graduée. Par ailleurs, le système de numérotation n'est pas le même. Et en plus, oui. Ouais. Non, il propose vraiment une méthode mathématique qui suppose que l'espace est effectivement bien plat, ce qu'on appelle euclidien aujourd'hui. Et donc, il fait des mathématiques, il fait pas de la physique quand il propose sa méthode. Et on va retrouver ainsi disséminer des images de cette constante avant qu'elle soit unifiée effectivement au XVIIe siècle. On va y revenir, mais on en trouve, on l'a dit, chez les Mayas, on la trouve chez les Indiens, on la trouve également chez le grand mathématicien arabe Al-Khwarizmi qui calcule pi. Si mais je parle sous votre contrôle avec 14 décimales au XVe siècle, Jean-Paul Delay. C'est Al-Kashi. C'est Al-Kashi, pardon, autant pour moi. Et alors c'est 1429 exactement. Il calcule avec 14 décimales. En fait, il calcule pas avec des décimales, il calcule en base 60. Mais si on retraduit ça en décimales, ça fait 14 décimales. Donc effectivement, c'est une méthode équivalente à celle d'Archimède. En fait, si on regarde l'idée d'Archimède, il coince son cercle entre deux polygones réguliers à 96 côtés. Et 96 pour des raisons de calcul explicites, mais on peut prendre plus que 96 et on aurait une meilleure approximation. Pour Al-Kashi, je ne sais plus exactement combien il prend de côté, mais le mathématicien chinois qui avait fait le calcul précédent en fait, dans la chronologie, qui est Zhu Shongzhi, avait fait, lui, un calcul au 5e siècle avec un polygone à 12 000 côtés. Donc on est en train de faire un calcul qui est plus précis. Et la dernière, le dernier calcul vraiment explicite que j'ai retrouvé avec cette méthode, c'est Ludolf von Sohlen. Au début du XVIIe siècle, il calcule 35 décimales. Et il en est très fier de ces 35 décimales au point de vouloir les mettre sur sa tombe. Et lui, il a fait un calcul qui correspond à 32 millions de côtés pour les polyèdres. Pour les polygones, pardon. C'est ça. Et il est bien évident à ce moment-là qu'il n'a pas dessiné un polygone à 30 millions de côtés en mesurant le côté du polygone. Il a fait un calcul purement abstrait, en fait. Et ce qui nous amène justement, ce qui fait la transition parfaite vers cette deuxième ère, celle de l'analyse, celle de la Renaissance, avec le passage au calcul différentiel, Jean-Paul Delay. Oui. Alors, on découvre donc l'analyse. On crée l'analyse et en particulier, on s'intéresse aux séries de nombres convergentes. On découvre d'ailleurs que certaines qu'on s'attendait convergées ne convergent pas, comme la série des inverses des entiers. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans cette compréhension des séries, qu'on arrive à calculer la limite de ces séries convergentes, comme la série des inverses des nombres carrés que j'évoquais tout à l'heure, ben on s'aperçoit que pi est présent à droite, à gauche, dans les résultats de ces séries. Et quand on calcule les intégrales aussi, on découvre que pi apparaît même là où on s'y attendait pas. Et donc pi à nouveau, et dans toute l'histoire des mathématiques, c'était un petit peu ça. Même quand on crée de nouvelles disciplines, de nouveaux domaines, eh bien, pi se trouve, se glisse là dans l'histoire et vient nous poser ses problèmes. Je m'en suis. Ce qui est amusant, c'est qu'on a quelque chose qui pour nous est complètement une évidence, mais qui peut-être ne plaît pas pour tous les auditeurs, c'est qu'on est en train de faire des sommes d'infinité de termes. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est quand on imagine une formule, on se dit on additionne 2, 3, 4, 5 termes, si on est courageux, 50, 100. Mais là, on veut ajouter une infinité de termes qui sont évidemment de plus en plus petits au bout d'un moment. Mais ajouter des termes de plus en plus petits, comme le disait Jean-Paul, ça ne nous suffit pas pour assurer que, à la fin, on va avoir quelque chose qui est fini. Donc là, il y a un grand pas qui est fait à un moment, c'est qu'on essaye de comprendre qu'il y a des choses, même si on somme une infinité de termes, on va rester fini. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est qu'on va trouver des valeurs qu'on sait calculer. On sait calculer cette somme infinie théoriquement, alors qu'on ne sait pas faire le calcul en pratique. On ne peut pas sommer une infinité de termes à la main, sur un papier, etc. Et la troisième chose qui est intéressante avec cette somme infinie, c'est comme les termes sont de plus en plus petits, on se dit, si on s'arrête suffisamment loin, on a une bonne approximation de la somme totale. Et si, par le plus grand des hasards, la somme totale dépendait de pi, on a une approximation de pi. Donc tout ce qui va se passer, ça va être essayer de trouver des séries, ces sommes infinies, ou des produits infinis, ou d'autres expressions avec une infinité de termes à l'intérieur, qui vont nous permettre d'exprimer pi. Donc on va avoir des formules qu'on ne peut pas utiliser directement, mais qu'on peut utiliser pour avoir des approximations. Et là, il y a tout un enjeu qui va se développer encore jusqu'à aujourd'hui. Et cet enjeu, c'est la première personne à commencer à aller dans ce sens-là, au XVIIe siècle, c'est John Wallis. Qui contribue d'une part à détacher l'algèbre de l'arithmétique et qui va apporter en quelque sorte la première solution à la quadrature du cercle, non pas vraiment? Non, il apporte pas la solution à la quadrature du cercle, qui viendra qu'au 19e siècle. Non, mais il comprend que certaines séries, et en fait ce sont les premières formules infinies qui font apparaître pi, ce sont des produits infinis. Ce sont pas des séries. Aujourd'hui, dans l'enseignement, on commence par les séries, et ensuite on parle des produits infinis. Mais dans l'histoire, ça s'est passé dans le sens inverse. Et les premières séries qu'on va proposer, en fait, elles seront pas plus efficaces que la méthode d'Archimède. C'est seulement, en quelque sorte, en insistant un peu et en progressant dans la conception et la découverte de nouvelles séries, qu'on va finir par trouver des formules qui seront plus efficaces que la méthode Archimède. Mais ça s'est pas fait immédiatement. Roger Mansuy, quel est l'apport alors précisément de John Wallis? Alors, j'allais contester la date de Wallis. Contester donc. Non, parce que Wallis, enfin, c'est un point de vue un peu occidental de voir que Wallis est le premier à travailler, mais quand on regarde dans les mathématiques indiennes, on a déjà des expressions en série à certains moments qui sont apparues un peu différemment, et en particulier la formule que nous occidentaux on appelle de Grégory ou de Leibniz, ouais, qu'on va utiliser plus tard, était déjà connue, je crois, vers le 14e ou 15e siècle, j'ai un doute affreux sur le nom, par Madhava des 100 grammes Madhagrana. Et on s'en est aperçu assez récemment. Voilà. Et donc, certes, Wallis est un précurseur et un inventeur, un découvreur pour nous, mais c'est pas exactement le. D'accord. Non, mais alors le premier. Avec grand plaisir. Voilà. Désoccidentalisons l'histoire des sciences et notamment l'histoire des mathématiques. Avec grand plaisir. Alors, Wallis, comme d'autres mathématiciens, vont essayer de décomposer en fait des fonctions. On n'est pas forcément avec les nombres au départ, mais on est plutôt avec des choses qui sont trigonométriques. Et ça, il faut un peu avancer dans le cursus scolaire en France. Il faut regarder le cercle et sur le cercle voir qu'on peut lire le cosinus et le sinus. Donc, avec le pi, avec pi, va se balader un certain nombre de fonctions trigonométriques. Et donc, les formules qu'on va trouver après Wallis, après machin, etc. C'est John Machin. On se demandait s'il fallait dire John Machine ou John Machin. C'est le premier qui a calculé 100 décimales. Voilà. Il est anglo-saxon, donc on peut dire Machine. Machine, oui. Mais c'est plus drôle de dire Machin. De John Machin, oui, ça marche pas mal. Comment a-t-il abouti justement à ce seuil? Alors, on aime toujours bien les seuils, évidemment, de 200 décimales, Jean-Paul Lehaye. Avec les arcs tangentes. Je sais pas si c'est très parlant pour beaucoup d'auditeurs. Voilà, certaines formules, permettent de faire des calculs un peu plus facilement parce que va y avoir des puissances de 5 qui vont apparaître qui donnent lieu à des calculs à la main qui sont plus faciles. Et justement, John Machine va utiliser une formule qui va être assez à droite du point de vue des calculs pour aller plus loin que ceux qui calculaient avant et qui s'étaient arrêtés à 30, un peu plus de 30 décimales. C'est peut-être la dernière formule qu'on peut prononcer. Si on veut un défi pour la personne qui gère le compte Twitter, c'est le moment. On est avec la formule qui dit que pi est égal à 4 fois arctangente 1 sur 5 moins arctangente 1 sur 239. Voilà. Alors arctangente, c'est une fonction trigonométrique. Et le lien avec ce qu'on vient de dire avant, c'est que pour calculer cette arctangente, on utilise un développement en série et un développement en somme infinie. Et qui converge relativement bien. Et qui converge relativement vite. C'est-à-dire qu'ils convergent relativement vite. C'est-à-dire, tout à l'heure, on disait pour approcher une somme complète d'une infinité de termes, on s'arrêtait relativement, on s'arrêtait avant à un moment donné. Si on s'arrête trop tôt, on a un mauvais résultat. On a une mauvaise approximation. Si on va trop loin, ça demande trop de calcul. Le compromis entre jusqu'où on va dans le calcul de la somme et la qualité de l'approximation, c'est la vitesse de convergence. Et il y a des formules qui convergent affreusement mal. Par exemple, la formule de Leibniz qu'on évoquait tout à l'heure, qui provient des Indiens, en fait, elle est totalement inutilisable pour calculer des décimales de pi parce que la convergence se fait trop lentement. Il faudrait calculer des millions et des milliards de termes pour avoir ne serait-ce que 20 décimales exactes. Donc voilà, c'est la nature des séries va être très importante pour l'efficacité du calcul. Ce qui nous amène doucement vers celui qu'on pourrait peut-être qualifier, je sais pas, Jean-Paul Lehaye, de second père de pi, Euler, au 19e siècle. Oui, non, il a sur ce point-là, il a contribué parmi d'autres à développer les formules, mais Newton aussi. Et donc, je ne sais pas si on doit attribuer plus de choses à Euler qu'à Newton. Roger, je m'en suis votre appui. Euler a contribué à beaucoup de formules et beaucoup de mathématiques de l'époque. Il a beaucoup travaillé sur la convergence des séries, donc une bonne partie de ses travaux s'inscrivent dans cette continuité qu'on est en train de regarder. La formule des inverses, des carrés, des entiers, problème de Ball, c'est Euler. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont autour. Les développements qu'on appelle aujourd'hui en produits eulériens apparaissent un certain nombre de fois. Donc oui, il a fourni beaucoup d'outils, mais lui ne s'est pas focalisé sur pi ou sur l'idée de calculer pi. Donc je ne sais pas si on peut lui attribuer la paternité exactement. Ou alors peut-être, à ce moment-là, peut-être au contraire une sorte de décès, la fin du pi géométrique complètement, c'est-à-dire de transformer pi en objet stricto sensu analytique. Oui, mais en même temps que les autres mathématiciens de son époque, peut-être pas lui plus qu'un autre. Son génie a fait qu'il a participé à ce mouvement, mais on n'a pas à lui attribuer beaucoup plus qu'à ses contemporains. Je m'en suis. Alors, quel est l'apport de l'heure, justement, sur la suite de la compréhension et du calcul de pi? La généralisation de toutes les méthodes de série, essentiellement, c'est-à-dire que faut imaginer Euler quand même comme un personnage relativement important dans le XVIIIe siècle, à la fois dans sa patrie suisse, comme à Saint-Pétersbourg ou à Berlin dans le reste de sa vie. Il va à chaque fois contribuer largement à développer les méthodes analytiques. Et quand je dis largement, c'est très largement. Par ailleurs, c'est un calculateur assez prodige, donc il fait beaucoup avancer les questions sur les séries. Il est aujourd'hui, on pourrait regarder un petit peu ses travaux avec un regard suspicieux si on ne va pas très loin dans ce qu'il fait, parce que il est beaucoup plus souple que nous sur la convergence des séries et sur ce genre de choses. Mais il fournit des bonnes idées, et si on le regarde sans vouloir être critique, mais avec l'idée que c'est quelqu'un qui est très fort, on a des découvertes qui vont aider pour jusqu'au XXe siècle en fait sur ces séries divergentes. Jean-Paul Delay, sur cet apport de l'air. Oui, enfin, j'ai rien à ajouter très spécifiquement. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est qu'au XXe siècle, on a découvert de nouvelles formules, on a élaboré de nouvelles formules qui sont encore bien plus rapides, et celles qui sont utilisées aujourd'hui pour battre les records, ce sont des formules qui proviennent du XXe siècle. Et c'est quelque chose d'assez étonnant de s'apercevoir que après une période où les méthodes de calcul ont utilisé des doubles suites qui étaient liées l'une à l'autre pour calculer les décimales de pi, on en est revenu depuis une dizaine d'années à des formules qui sont basées sur les séries. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu étonnant. La raison, c'est qu'on a appris à manipuler et à calculer bien ces sommes de séries, ce qu'on ne savait pas faire il y a une quinzaine d'années. Alors comment émergent-elles, Roger Mansuy, ces deux dernières formules, ces formules qui servent encore aujourd'hui, qui les établit et à quelle époque, à quel moment du XXe siècle? Les formules qui servent encore aujourd'hui, alors elles sont la plupart très récentes. C'est Chudnovsky. Les frères Chudnovsky, qui sont deux mathématiciens américains d'origine ukrainienne, voilà, qui ont, à la fin des années 80, je pense, découvert un flot de formules assez pertinentes. Oui, tout à fait. Qui leur a permis d'être les premiers, parce que ils avaient aussi un certain goût pour l'informatique. C'est pas le cas de tous les mathématiciens. Ça leur a permis d'être les premiers à calculer un milliard de décimales de pi grâce à leurs formules qui sont aujourd'hui encore à nouveau utilisées. My lips, my fat cry. Voilà, l'ingénieur du son est en train de me haïr parce que j'étais en train de parler quand il a ouvert le micro. Voilà, il n'y a pas de coulisses dans la méthode scientifique, on vous raconte tout, y compris les erreurs que nous faisons les uns et les autres. Tout à l'heure, je dis que Pi est transcendantal, il n'est pas transcendantal du tout, ça n'a rien à voir avec la religion, il est transcendant, c'est pas tout à fait la même chose. Et Roger Mansuy s'est planté dans une formule de maths, donc on va pas le louper. C'était la formule de machine, de machin, c'est Pi sur 4 et non pas Pi égale 4 arctangente. Un cinquième moins arc tangente 1 sur 239, c'est ça? Voilà. Je fais Roger Mansuy, je suis content. Il est 16h35, vous écoutez la méthode scientifique. Nous parlons de l'histoire de Pi tout au long de cette heure, puisque nous sommes le 14 mars, le 3-14, que c'est le Pi Day, que c'est la semaine des maths. Tout au long de la semaine, on aura l'occasion d'en redire un mot à la fin de cette émission. Nous en parlons avec Jean-Paul Delahaye, qui est professeur émérite à l'Université de Lille, chercheur au Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille, de Christophe et auteur de Le fascinant nombre Pi chez Belin, et avec Roger Mansuy, donc professeur de mathématiques au lycée Saint-Louis. Dans notre course au temps, on a effectivement loupé une marche, on a pris une de trop, celle de l'heure, on en a loupé une qui est quand même celle importante, c'est celle de la démonstration de la transcendance de Pi en 1882, Jean-Paul Delahaye. Oui, alors l'histoire est intéressante, puisque pendant deux millénaires, on a cherché à résoudre le problème de la quadrature du cercle. Donc je l'ai expliqué en deux mots ce que c'était tout à l'heure. Et finalement, pour le résoudre, il a fallu démontrer quelque chose concernant ce côté algébrique, plutôt non algébrique de Pi, sa transcendance. Et l'histoire, on peut la résumer assez simplement. On a réussi, donc au début c'est Van Zel, un mathématicien français, a réussi à caractériser les nombres qu'on peut dessiner à la règle et au compas. Ce sont les nombres, en fait, on peut le dire très simplement, qui font intervenir des nombres entiers, des additions, des soustractions, des divisions, des multiplications et l'opération de prise de racine carrée. Donc on peut les empiler autant qu'on veut et on obtient les nombres qui sont dessinables à la règle et au compas. Et démontrer que Pi ne peut pas être, que la quadrature du cercle n'a pas de solution, ça revient à démontrer en fait que Pi, ou que racine de Pi, n'est pas dans cette catégorie de nombres avec les racines carrées, qu'on peut définir à partir des racines carrées. Et ça résulte du fait que Pi est transcendant, il n'y a des solutions d'aucune équation polynomiale à coefficient entier. Et c'est en 1882 que ce théorème arrive. Moi, je m'en suis sur ce théorème de la transcendance de Pi. Alors, la transcendance de Pi, ce qui est intéressant, c'est que c'est la quadrature du cercle qui se cache derrière, en fait, qui est là. Parce que le fait que Pi soit transcendant, c'est plutôt compliqué quand même à démontrer. On imagine bien qu'il est derrière. Alors que la quadrature du cercle, tout le monde avait l'impression que c'était plutôt facile. On se donne un cercle, on essaye de construire un carré qui a la même R que ce cercle, et on essaye de le construire à la règle et au compas. Et c'est tellement facile qu'il y a des gens qui pensent pouvoir le faire. Et qui ont pensé dans l'histoire pouvoir le faire, qui on pense encore aujourd'hui pouvoir le faire. Et là, il y a beaucoup d'anecdotes dans l'histoire. On parle d'un humaniste hollandais du XVIe siècle qui avait une méthode de quadrature du cercle qui voulait dire que Pi valait racine de 10. On parle d'un amateur, un médecin amateur de maths dans l'Indiana qui pensait avoir une méthode pour faire la quadrature du cercle qui voulait dire à peu près que Pi valait 3,2. Mais encore récemment, à l'époque où j'étais rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle Quadrature, les gens m'envoyaient des résolutions de quadrature et le but du jeu était d'essayer de deviner que valait Pi si leur méthode était juste. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le problème de la quadrature, il est très précis. C'est avec la règle et le compas. Or, il y a un certain nombre de solutions tout à fait exactes qui ont été proposées avec une roue qui tourne sur un plan ou des choses comme ça. Et donc, la quadrature du cercle a été résolue, mais pas avec la règle et le compas. Ou alors, c'était faux. Voilà, il n'y avait que deux sortes de solutions jusqu'à ce qu'on comprenne que c'était impossible et qu'on le démontre. C'est un peu comme nous, la méthode scientifique et la théorie du tout. On reçoit toujours beaucoup d'épreuves de gens qui nous disent qu'ils ont enfin réussi à quantifier la gravitation, des choses comme ça. On en a un certain nombre. J'en ai reçu plusieurs aussi. on va revenir à la contemporanéité et au présent avec l'approche aujourd'hui, évidemment, qui a été bouleversée, en tout cas le calcul de Pi qui a été bouleversé par l'apparition des ordinateurs. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au Conservatoire National des Arts et Métiers à la rencontre du statisticien Avner Barène. Oui, parce que pendant des siècles, les savants ont calculé les décimales à la main, d'abord avec des méthodes géométriques, puis progressivement avec des méthodes analytiques de plus en plus perfectionnées. Ça n'a pas empêché à certains de faire des erreurs, comme William Shank au 19e siècle. Néanmoins, ces erreurs ont permis de mettre en évidence des choses intrigantes, comme l'équirépartition des chiffres à mesure qu'on avance dans les décimales. Puis on a commencé depuis Euclide à peu près, depuis les Grecs, même avant, on trouve des choses dans les tablettes perses, etc. Donc on trouve ça depuis très longtemps, mais surtout d'un point de vue géométrique. Et donc ça, on va le travailler assez longtemps, même si on l'appelle papy. Hein. Euler appelle ça petit p. Périmètre. Voilà, donc on a eu différentes versions à peu près jusqu'au XVIIIe siècle de notation, mais disons restons sur pi. Et à partir du XVIIIe siècle, on va utiliser plus des outils d'analyse de séries, de choses comme ça, ce qui vont permettre de calculer plus de décimales de pi. Et donc les gens vont commencer à essayer d'aller triturer un peu les décimales. Jusqu'en gros, tout ça, on va le faire à la main jusqu'à l'après-guerre. À l'après-guerre, on va commencer à utiliser les ordinateurs. Et puis aujourd'hui, on utilise des ordinateurs pour trouver des milliards ou des milliers de milliards de décimales de pi pour les gens qui s'y attachent. Alors avant d'en arriver à ces dizaines de milliards de décimales de pi, avant, comme vous le dites, on les calculait à la main. On allait jusqu'à plusieurs centaines, et qu'est-ce qu'on a pu remarquer dans ces décimales ? Alors, le premier, c'est Euclide, on arrive à 22 septièmes, qui est une approximation, ça fait 3 et des poussières, donc on est assez loin, on a quoi, une ou deux décimales, on arrive à l'époque à faire des beaux dessins d'approximation du cercle. Probablement le plus acharné qui a passé sa vie à faire ça, c'est quelqu'un au 19e siècle qui, de mémoire, s'appelle Schenck, qui lui va calculer plusieurs centaines de décimales à la main. Et ces décimales, on va regarder un peu leur répartition et on va s'apercevoir que tous les nombres sont autant présents le 0, le 1, le 2, le 3, etc. Sauf le 7 qui est moins présent. Et ça, ça va beaucoup interroger la communauté des amateurs de pi, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, dans les décimales, on retrouve à peu près autant de fois le chiffre 0, 1, 2, 3, 4, 5, exactement. 6, 7, 8, 9, sauf apparemment le 7 qui apparaît avec une occurrence moindre. Exactement, donc le 7 est moins représenté que les autres nombres dans les décimales de pi, et on se demande beaucoup pourquoi. Et en 46, donc après-guerre, encore quelqu'un qui le fait à la main, probablement un des derniers qui fait ses calculs à la main, va s'apercevoir qu'il y a une erreur. Une erreur de calcul, hein, bon, des calculs compliqués, donc on pourrait le pardonner, surtout fait à la main, avec des moyens extrêmement... Comment on s'y prend pour calculer les décimales de pi à la main ? Alors, on a des formules d'approximation de pi, et on va chercher, justement, ça va être un des travaux peut-être les plus intéressants mathématiquement, de trouver des formules pour approcher pi. 22 septièmes, je dirais que c'est la version du pauvre, ou au moins la version des Grecs. On peut arriver à des séries qui convergent. On peut faire des séries convergentes vers pi. On peut faire des approximations avec des séries trigonométriques ou ce genre de choses. C'est un des travaux pour approcher au plus près les décimales de pi. Et même avec l'ordinateur, on va chercher des choses qui convergent, c'est-à-dire qui approchent la vraie valeur de plus en plus vite pour avoir des calculs qui sont faisables dans des temps raisonnables. Alors, est-ce que la question, ce ne serait pas plutôt pourquoi on retrouve cette régularité des chiffres à mesure qu'on avance dans cette suite des décimales à plusieurs milliards, on se rend compte que ça converge de plus en plus autour d'une apparition autour de 10%. Alors effectivement, ce qu'on voit, c'est que chaque décimale apparaît à peu près 10%. Donc on a à peu près 10% de 0, 10% de 1, 10% de 9. Et on l'observe, c'est aussi une manière de vérifier les calculs, hein, vérifier que les ordinateurs fonctionnent correctement. Par exemple, on a trouvé un bug sur le Cray-2 dans les années 50, 60, grâce à ça. Alors le Cray-2... Le Cray-2, ça a été une sorte d'étape dans les ordinateurs, ça a été les premiers gros ordinateurs. Donc on va chercher des méthodes pour approcher, c'est une manière de tester des ordinateurs, c'est une manière de tester aussi des calculs, cette régularité. Et globalement, on ne sait pas en dire grand-chose, parce qu'on trouve 10% de 0, 10% de 1, mais si on regarde les combinaisons, donc par exemple les paires de chiffres dans les décimales, on va aussi trouver qu'il y a 1% de 0,1, 1% de 53, 1%, etc. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut le faire pour 2, pour 3 chiffres, etc. On s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle une équirépartition, c'est-à-dire que toutes les combinaisons de 2, 3, 4, 5 sont autant représentées, et on ne sait pas très bien pourquoi, et ça reste une conjecture aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qu'on suppose vrai pour tout pi, mais comme on n'est pas capable de calculer toutes les décimales, même si on en calcule des milliards, on n'en calcule qu'une infime partie, on ne sait pas exactement pourquoi. Ce qu'on pense aussi, c'est que toute suite de chiffres, tout nombre, est contenu dans les décimales de pi. Et ça, est-ce que ce n'est pas propre à tous les nombres qui partagent ces caractéristiques, le fait d'avoir des décimales infinies, non régulières? Alors, des chiffres qui contiennent des suites de décimales non régulières, on n'en connaît pas autant que ça. On connaît beaucoup de chiffres qui ont des décimales régulières. On sait qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont non décimaux et qui doivent être irréguliers, petit e, pi, etc., certaines constantes qui traînent comme ça, mais on n'arrive pas à en extraire autant que ça. Donc peut-être que pi aussi fascine parce que c'est un... Mais ça aurait pu être petit e ou d'autres, sauf que ça arrivait plus tard peut-être dans l'histoire du calcul et des maths. Voilà, Avenir Barène, hein, donc vous pouvez retrouver les chroniques hebdomadaires sur le site de nos camarades de Science et Avenir. Une réaction peut-être l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Jean-Paul Delahaye ? Oui, alors, moi je voudrais insister sur un point. Il y a une discontinuité dans l'histoire des calculs de pi. Alors, bien sûr, les ordinateurs permettent de faire plus de calculs, mais indépendamment de l'utilisation des ordinateurs, dans les années 70, on découvre des formules pour faire la multiplication plus efficacement qui ont après se traduisent dans les méthodes pour calculer pi, et on passe de ce qu'on appelle des méthodes quadratiques à des méthodes, on va dire, quasi-linéaires. Pour dire les choses très simplement, avec une méthode quadratique, si vous voulez multiplier par 10 le nombre de décimales, vous multipliez par 100 le nombre de calculs que vous allez faire. Avec une méthode linéaire ou quasi-linéaire, quand vous multipliez par 10 le nombre de décimales connues, vous multipliez par 10 le temps de calcul. Et ça, c'est pas lié aux ordinateurs, c'est lié à des découvertes algorithmiques, à des découvertes mathématiques. Et donc, il y a eu un progrès, y compris dans des choses tout à fait élémentaires, comme la façon de faire les multiplications. Ce qui est quand même très étonnant. C'est en 1964 qu'on a découvert une nouvelle façon de faire les multiplications. C'est la multiplication de Karatsuba. Et c'est quand même quelque chose de tout à fait étonnant. Euler ne savait pas faire les multiplications de manière efficace, par exemple. Quel est l'intérêt aujourd'hui de poursuivre cette course aux décimales de pi, aux 5000 milliards? Ça a un intérêt mathématique, ça a un intérêt analytique, Roger Mansuy? Alors, si on répond de manière un peu provocante, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que ce n'est pas le résultat qui nous intéresse. Dans ce que disait le reportage, on fait des statistiques sur les premières décimales, mais comme on ne pourra jamais toutes les connaître, on n'en déduira pas une propriété de pi. Donc l'intérêt mathématique pour accéder à une connaissance supérieure de pi est quasiment nul. D'un point de vue calculatoire, l'intérêt est complètement nul. C'est-à-dire, si vous voulez calculer le périmètre d'un cercle, vous n'avez pas besoin de connaître toutes les décimales de pi. Vous prenez, je sais pas, un cercle de 50 mètres, ça correspond à un grand stade. Son périmètre, ce sera 2 fois le rayon fois pi, donc 100 fois pi. Si vous connaissez 3,14 pour pi, vous connaissez le périmètre à un mètre près. Si vous connaissez 3,14 159, vous connaissez le périmètre au millimètre près. Donc on se dit, ça sert à rien de connaître beaucoup pi. Alors essayons avec un rayon plus grand. Qu'est-ce qu'on connaît comme rayon plus grand ? Le rayon de l'univers observable. Et si on fait plus grand qu'un stade. Si on fait le calcul avec le rayon de l'univers observable et qu'on cherche à connaître le périmètre, disons à la taille d'un atome, un atome d'hydrogène, un tout petit atome d'hydrogène, on a besoin d'une quarantaine de décimales de pi. Or, ça fait déjà plus de 300 ans qu'on les connaît, ces 40 décimales. Donc, ça ne sert strictement à rien, pour faire des calculs de périmètre, de connaître des milliers de milliards de décimales de pi. En revanche, Jean-Paul Delahaye, mettre au point des méthodes et maîtriser cette complexité des calculs et cette quantité de calculs, c'est quelque chose qui est utile, puisque en cryptographie, par exemple, on a besoin de multiplier des grands nombres les uns avec les autres, pas aussi grands que ceux qu'on rencontre quand on veut calculer pi très loin, mais le progrès dans les méthodes de calcul, ça sert. Par exemple, en cryptographie, en traitement du signal. Et donc, l'utilité n'est pas dans la connaissance des décimales, elle est dans la connaissance des méthodes efficaces pour calculer les décimales. Ce qui signifie, si je vous comprends bien, qu'on ne pourra pas trancher quant à savoir si pi est un nombre univers via des méthodes calculatoires, Roger Mansuy. Non, on ne peut pas, parce qu'on n'accède pas à pi, on accède qu'à des approximations de pi. Donc, quand on veut quelque chose qui concerne l'ensemble de toutes les décimales, on ne peut pas conclure avec ce qu'on a. Et il y a quelque chose qu'il faut dire qui est assez étonnant concernant justement les choses qu'on connaît sur les décimales de pi. Bon, on sait que les décimales de pi ne sont pas périodiques à partir d'un certain moment. Il n'y aura jamais 4,56, 4,56, 4,56, parce que si c'était le cas, pi serait un nombre rationnel. Or, on a démontré qu'il n'était pas rationnel. En revanche, donc, on ne sait pas démontrer qu'il est un nombre univers, c'est-à-dire que toutes les séquences sont présentes dedans, ni que c'est un nombre normal, ce qui était évoqué dans le reportage, mais on ne sait même pas démontrer qu'il y a une infinité de zéro dans pi. On constate qu'il y en a un dixième, mais on ne sait pas démontrer qu'il y en a une infinité, que ça ne s'arrête, que les zéros ne s'arrêtent pas à partir d'un certain rang, ou les 1, ou les 7, Puisqu'on a entendu qu'il y a une sous-représentation des 7. Et cette sous-représentation, elle se vérifie à 5000 milliards de décimales? Non, pas du tout. Elle se vérifie jusqu'à 700 décimales, ce qu'avait calculé William Shanks, d'ailleurs en se trompant sur les 200 dernières. Quand on a été plus loin, le 7 apparaît avec une probabilité, enfin une fréquence de 1 dixième. Comme les autres. Et il n'y a pas d'écart à ce que donnerait un lancer de dés à 10 faces. Quelles seraient les preuves? Est-il possible d'acquérir des preuves de cette nature universelle du nombre pi? Ou pas? Ou est-ce que c'est une pure construction de l'esprit? Non, on s'est prouvé que certains nombres ont cette propriété, mais pour l'instant, c'est plutôt des nombres qu'on a construits sur mesure pour avoir cette propriété. C'est-à-dire Il y a le nombre de Champernowne. Voilà, on a le nombre de Champernowne qui est un nombre univers parce qu'il a été construit lui-même pour avoir toutes les séquences, en les mettant les unes après les autres. Il y a quand même des nombres qui n'ont pas été construits exprès et dont on sait démontrer qu'ils sont normaux. Il y a par exemple le nombre Omega Chetin qui est normal, qui est transcendant et qui n'a pas été construit avec l'idée on va réussir à montrer qu'il est équilibré parti, etc. En quelque sorte, qui se définit par lui-même quand on étudie la théorie du calcul et dont on sait démontrer qu'il est normal. Le nombre pi de ce côté-là, il montre l'incapacité des mathématiciens à résoudre certains problèmes simples jusqu'à présent. Mais il n'y a aucune raison de croire qu'on ne pourra pas le démontrer. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a aucune impossibilité. Il y a des résultats d'impossibilité en maths, mais là, on n'en a pas. Non. C'est-à-dire que c'est juste un problème ouvert où on n'a pas réfléchi suffisamment longtemps pour avoir une réponse pour l'instant. C'est juste une question de temps de calcul. Non, c'est une question de temps de réflexion. De temps de réflexion, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Mais bon, le problème semble difficile quand même. Il y a des gens très très forts qui s'y sont intéressés et on ne progresse pas très vite sur cette question-là. Un nombre univers, c'est ce que je disais dans la présentation, hein, c'est donc toutes les suites possibles de toutes les suites de nombres possibles, y compris, je ne sais plus, une sonate de Bach jouée par Glenn Gould, si on représente, ou même Madame Bovary, si on attribue chaque lettre à un nombre. Continuons à parler un peu de... Est-ce qu'il y a une limite aujourd'hui au calcul du nombre pi? Est-ce qu'il y a une limite technologique, physique, au calcul du nombre pi ou pas, Jean-Paul Delay? Vraisemblablement oui, parce qu'on peut pas mémoriser simplement les résultats d'un calcul qui est trop important. Aujourd'hui, 31 000 milliards de décimales de pi, si on les imprimait, ça ferait 31 millions de livres d'un million de caractères. C'est 31 millions de livres d'un million de caractères. Et un livre d'un million de caractères, c'est déjà un assez gros livre. Si on en calcule 10 fois plus, on risque d'avoir des problèmes pour les stocker, puisque de toute façon, la mémoire de tous les ordinateurs sur Terre, elle est en gros équivalente à 10 puissance 21 ou 22 octets, hein, donc chiffres, on peut dire pour simplifier. Et donc oui, il y a des limites matérielles à ce qu'on peut calculer. Elles seront sans doute repoussées au fur et à mesure qu'il y aura des progrès technologiques, mais on ne pourra pas les repousser indéfiniment, non, ça c'est pas possible. Je m'en suis. Alors, il y a une ambiguïté dans la question, en fait, qui est, est-ce qu'on peut dire qu'on peut calculer pi très loin? En fait, on peut actuellement calculer pi très loin, sans calculer tout ce qu'il y a avant. C'est ça un peu l'astuce. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui sont apparues, Borwein, Bellet et Plouffe, enfin la formule qu'on appelle BBP ou formule de Plouffe, qui permet de calculer. C'est un nom qui me réjouit. Qui permet de calculer des chiffres très loin, sans calculer ceux qui sont avant. Mais uniquement en base de 8 ou 16. Voilà. Mais la difficulté, c'est que c'est pas des chiffres au sens où on l'attend en décimale de 0 jusqu'à 9, c'est des chiffres en hexadécimale a priori. Donc, on ne désespère pas qu'on trouve des méthodes qui permettent de calculer un chiffre très loin sans calculer tous les autres avant. Voilà, mais même pour ces méthodes-là, je dis qu'il y aurait une limite physique quand même. Aujourd'hui, pour ces méthodes qui calculent les chiffres sans calculer tout ce qui précède, on en est à 400 millions de milliards. Donc la position, sans qu'on connaisse tout ce qui est avant. Mais ces méthodes-là nécessitent quand même aussi une ressource de calcul, une ressource de mémoire, et donc il y aura aussi des limites physiques, y compris pour ces calculs-là. On est toujours limité par le nombre d'atomes dans l'univers. Par exemple. J'aimerais qu'on termine, on arrive vers la fin de cette émission. Il y a plein de petits fun facts, c'est-à-dire que pi a plein de petites caractéristiques, alors qu'on pourrait prendre finalement, compte tenu du nombre de décimales qu'on connaît, pour des anomalies statistiques classiques, en fait, je m'en suis. Oui, alors après, là, chacun va avoir ses petits plaisirs. Je disais tout à l'heure, j'avais rêvé de connaître les 762 premières décimales à la suite d'une anecdote. C'est que si vous connaissez toutes les décimales jusqu'à 760, la 762e, les suivantes sont 9, 9, 9, 9, 9, et 9 mois. 6 fois, 7 fois après. Oui. Et ensuite, on peut dire, enfin, le plaisir, c'est de raconter jusqu'à la 768e et de dire et ainsi de suite. C'est une anecdote qu'on prête à Feynman, parce que Feynman était assez fantaisiste, mais j'aime bien cette petite histoire. Jean-Paul Delay, racontez-nous quelques-unes de vos anecdotes à propos de Pi. Il y en a un certain nombre qui sont assez intéressantes. Oui, un jour j'ai reçu un livre de quelqu'un qui interprétait les chiffres de Pi comme des textes et qui voyait écrit des choses concernant la Vierge Marie, Jérusalem ou des choses comme ça. Bon, c'était un petit peu religieux sa conception. Et, bon, donc la numérologie et la lecture. Et alors oui, cet auteur disait que Pi est comme le génome de l'univers. Alors j'avais trouvé ça charmant, sauf que ça veut quand même rien dire. Roger Mansuy. L'anecdote peut-être la plus célèbre qu'il faut quand même préciser pour tous les gens qui vont aller au Palais de la Découverte, il y a une salle qui est consacrée à Pi, et vous allez voir, dans cette salle, il y a 707 décimales, les 707 décimales qu'on dit de Shanks, qui ont été calculées d'ailleurs avec la formule de machin, toujours la même. Et comme on disait tout à l'heure, cette valeur est fausse, enfin, il y a des valeurs fausses, et donc on a corrigé a posteriori la salle du Palais de la Découverte parce qu'il y avait 200 décimales fausses. Ce qui fait beaucoup sur 700. Il y a plein de petites anomalies statistiques amusantes. Par exemple, la somme des 20 premières décimales donne 100. Oui. Mais c'est du pur hasard, en fait. Oui, mais c'est pas si extraordinaire que ça. Ça aurait pu donner 99, 98. Il y avait quand même que, en prenant les décimales jusqu'à un certain nombre, on va tomber sur un nombre qui va être proche de 100. Donc, il y avait une chance sur 10 qu'on passe par 100 à un moment ou à un autre. Donc, c'est pas si extraordinaire que ça, si on y réfléchit. Qu'est-ce que c'est que l'aiguille de Buffon, Roger Mansuy? L'aiguille de Buffon. Oui, de Buffon. C'est ce que j'ai dit. Alors, c'est un moyen de calculer pi. On lance des aiguilles sur un parquet et on regarde la fréquence avec laquelle ces aiguilles tombent sur les limitations des lattes du parquet, sur les limitations entre les deux. Et cette fréquence, asymptotiquement, elle va tendre vers la probabilité que ça existe. Et on sait calculer cette probabilité par ailleurs et elle dépend de pi. Donc ce procédé de Buffon nous permet de calculer pi par une méthode aléatoire. De même qu'on pourrait faire une autre expérience aléatoire, on lance des fléchettes dans une cible carrée et on regarde à quelles conditions elles tombent dans le cercle central. On a une méthode qui est type Monte Carlo. La probabilité qu'elles tombent dans le cercle central étant rapport des deux aires, ça fait intervenir pi à cause de l'aire du cercle. Et on a une autre méthode pour calculer pi. Malheureusement, elles sont très mauvaises, ces méthodes. Parce que les approximations sont très lentes, ouais. Donc il faudrait faire énormément de lancers. Beaucoup de fléchettes. Avec la méthode des aiguilles de Buffon, on a réussi à calculer 3,14, tout juste. On avait fait une expérience aléatoire l'an dernier pour la semaine des maths. Et quand j'ai repris l'expérience récemment pour regarder un petit peu ce que ça donnait, on a la vidéo, on peut regarder exactement ce qui se passe. On trouve dans le meilleur des cas 3,16 et on est chanceux. La plupart du temps, on a un résultat entre 2,5 et 3,5. Quoi d'autre que la suite 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 apparaît assez fréquemment? Enfin, elle est assez... Comme les autres. Comme les autres. Donc si on prend une suite de longueur 10, elle apparaîtra avec une fréquence de 1 sur 10 à la puissance 10. Il n'y a pas de surprise de ce point de vue-là, et il y a tellement peu de surprises qu'en fait, c'en est étonnant. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire finalement que les décimales de pi se présentent comme des chiffres tirés au hasard, quasiment. Enfin, c'est de l'aléatoire. Voilà, alors on peut dire ça, mais il faut faire attention parce que il y a aujourd'hui une définition mathématique très précise de ce qu'on appelle une suite infinie aléatoire. Et si on se réfère à cette définition, c'est ce qu'on appelle les suites aléatoires au sens de Martin Löf, pi n'est pas aléatoire dans ce sens-là, tout simplement parce qu'il a une définition bien précise qui peut donner lieu à un algorithme qui va avoir une taille finie et qui énumérera en théorie les décimales indéfiniment. Et donc, de ce point de vue-là, pi n'est pas aléatoire. On peut affirmer de manière catégorique au sens de la définition... Pi n'est pas aléatoire, mais la succession des décimales présente un caractère aléatoire. Elle ressemble à toutes les caractéristiques statistiques d'une suite aléatoire. Je m'en suis. Ça peut difficilement être aléatoire alors qu'on a une définition très courte. Si on fait quelque chose qui est aléatoire, si vous cherchez à résumer une suite de lancers de dés de manière aléatoire, vous pouvez pas. Vous pouvez simplement noter les chiffres les uns après les autres. Or pi, on peut le noter très simplement par sa définition intrinsèque géométrique. Donc ça a des propriétés statistiques qui sont aléatoires, mais ce n'est pas un nombre aléatoire en lui-même. Et puis pour conclure, tout de même, deux coïncidences intéressantes. Le 14 mars, le 3-14, c'est... La naissance d'Einstein et la mort de Stephen Hawking. Et vous pensez vraiment qu'il n'y a pas un dessin derrière tout ça, Jean-Paul Delay? Vous pensez vraiment que ça n'est pas l'ADN de l'univers? Non. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ce fascinant nombre pi. C'est le titre de votre livre, Jean-Paul Delahaye, aux éditions Belin. Un mot, Roger Mansuy, c'est la semaine des maths. Alors, c'est la semaine des maths. Il y a des événements un peu partout en France, dans les établissements scolaires, dans les établissements de recherche. Je vais vous en donner quelques-uns un petit peu pour. Bien sûr. Et puis, on va essayer de les relayer sur le fil Twitter. Alors, on va faire chauffer les amis. Il y a un festival de mathématiques qui dure jusqu'à samedi au Castanet-Tolosan à côté de Toulouse qui s'appelle Les Maths en scène. Il y a un prix littéraire, Les mots, La racine des mots est-elle carrée, qui est remis à Montpellier le 15 avec un exposé de Marie Lhuissier. Il y a un festival de jeux mathématiques au musée Henri Lecoq à Clermont-Ferrand, et si je dois encore en citer un, il y a une soirée sur le Go et l'intelligence artificielle à Lyon, dans la maison des mathématiques et de l'informatique, un lieu qu'il faut bien fréquenter. Allez, on va essayer de vous mettre tout ça sur le fil Twitter, c'est peut-être pas tout de suite, on va aller voir Noémie Naguet, on va lui donner les renseignements pour qu'elle puisse faire ça calmement et vous proposer ces animations de la semaine des maths. Merci encore à toute l'équipe de la méthode scientifique, Mathieu Lefrançois, Tobi Mnenstock, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Éléonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, Pascal Baudin à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique. Demain, nous serons en direct du salon Livre Paris, auquel vous êtes les bienvenus, comme une grande partie d'ailleurs de l'antenne de France Culture pendant tout au long du week-end. Nous aurons la chance demain de recevoir un auteur de science-fiction important, le russe Dmitri Glukhovski, auteur entre autres de Métro 2033, avec qui nous parlerons évidemment science-fiction, dystopie et dissension politique. Ce sera demain à 16h. Soyez les bienvenus au salon Livre Paris, porte de Versailles, jusqu'à preuve du contraire.